concert. J'imagine ce que j'aurais pu être. Et mannequin, pis, la tour est faite, se fait. Et moi j'attends, j'attends le bon moment. J'attends que ça arrive, j'attends que ça m'arrive. Mais c'est encore pas pour aujourd'hui que je dirigerai mon avenir. Il est grand temps que je me décide. Comme une patate dans sa purée, moi j'ai l'esprit embrouillé. Mannequin, bis, la tour Eiffel se fait. Et moi j'attends, j'attends le bon moment. Se fêle et moi j'attends, j'attends le bon moment.